Oui, mais je vais faire une toute petite présentation. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être venus ce soir, notamment les intervenants et les discutants. Je vais commencer par un petit mea culpa, parce que comme j'ai pas mal parlé de ce séminaire à plein de gens, des fois oralement, des fois par mail, etc. Donc ça s'est recoupé entre la SMSP, les précaires de l'ESR, etc., etc. Donc je crois qu'on est à peu près réussi à remettre les choses à plat. Toutes mes excuses, c'est de ma faute. L'important, c'est que vous soyez là. Voilà. Alors, si on a décidé de maintenir le séminaire, malgré les mobilisations et les mouvements sociaux qui secouent le pays depuis donc, plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est qu'il est donc, consacré à l'université sous pression, comme le titre l'indique, et qu'il, évidemment, il est en lien, ou en tout cas en résonance avec les mouvements de contestation contre la loi travail, la loi économique, comme on peut l'appeler. Alors, si je résume, je pourrais dire que cette loi, comme à peu près tout un ensemble de contre-réformes, de réformes, entre guillemets, depuis plusieurs années, consacre, je dirais, un double mouvement. Le premier, c'est l'abaissement, voire le rejet de règles de fonctionnement générales au profit d'accords situés, négociés localement sur la base de rapports de force entre employeurs et employés, qui sont toujours plus ou moins volontairement oubliés ou niés par les responsables politiques, hein, puisqu'on a toujours l'impression que cette négociation va se faire d'égal à égal, dans une atmosphère de bonne entente et de bonne compréhension des uns et des autres, comme si tout le monde avait dans un établissement, dans une université d'ailleurs, dans une entreprise, les mêmes intérêts et les mêmes, les mêmes intérêts, ce qui n'est pas évident. Il avait aussi les mêmes atouts et les mêmes cartes en main pour négocier, ce qui n'est pas évident non plus. Voilà. Et le second mouvement, évidemment, dont il sera sans doute beaucoup question ce soir, c'est la précarisation massive, systématique, quasi généralisée. Alors je dis quasi généralisée, parce qu'évidemment, les précarisations qui touchent assez rarement les hauts fonctionnaires, les responsables politiques, les élites patronales, qui expliquent à quel point c'est très important, n'est-ce pas, de ne pas s'accrocher à des statuts, à des emplois protégés, etc. Mais évidemment, pour les autres, hein, rarement pour eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit extrait d'un conseiller financier de ces fakirs qui avait sorti ça, où il explique avant la campagne de François Hollande en 2012 qu'il faut, il devra en passer par l'instauration de toute façon du type de loi qu'on est en train de voir et de mettre du CDD partout, et que de toute façon c'est pas si mal, etc. Et donc, le fakir, connu pour ça. Son mauvais esprit lui dit, bah donc, puisque c'est si fantastique, vous êtes vous aussi évidemment au CDD. Et bon, l'autre, évidemment, répond un peu gêné, ah non, pas moi, je suis au CDD, bien sûr. Mais vous voyez que ces mouvements, quand même, de l'histoire, ou ces mouvements de l'économie, il y a toujours tout un tas de raisons qui expliquent ça. Évidemment, tout le monde se souvient de la fameuse envolée lyrique de Madame Parizeau, hein, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échappe-t-il à cette loi? Oui, bien sûr. Ceci dit, je dis qu'on va beaucoup en parler parce que je vais faire cette citation de la page 13, je crois, que les gens vont dire après. Donc, de Jean-Christophe Granger, qui est ici, la discussion de l'université française, donc un titre tout à fait joyeux, tout à fait serein. Ah, je vous dis pour ça. Hein. Bon, bon, merci beaucoup. Et donc, je lis la page 13, enfin, l'eau de la page 13. Donc, ce sont eux, les précaires de l'université, qui sont au cœur de ces pages, car ils forment l'arête la plus saillante, la plus accablante aussi de la politique qui défigure aujourd'hui l'université. Ils incarnent l'atomisation de cet univers professionnel et sa réduction à des situations si singulières, si éphémères, si émiettées, qu'elles rendent ce qui s'y passe obstinément inintelligible. Aller suivre, à toucher du doigt la condition qui leur est faite, c'est l'actuelle précarisation intellectuelle, matérielle, salariale de l'université, qui apparaît pour ce qu'elle est, non pas le produit d'une nécessité économique de bonne guerre, je parlais tout à l'heure, ni même un espace d'attente naturel et sanitaire, on va dire de ceux qui ne la côtoient que sur le papier, mais bel et bien le fruit d'une politique à la fois pérenne et délibérée de gestion de l'université. Donc on développera ces points. Par ailleurs, je suis quand même content que ce séminaire se tienne au lendemain d'une victoire, hein, peut-être victoire en demi-teinte, pas en demi-teinte, j'en sais rien, enfin quand même, il y a des luttes qui paient ou qui tendent à payer, notamment donc, par rapport aux précaires de l'ESR. Et donc vous avez vu des petits échanges peut-être sur les listes, puisque j'ai réagi un peu vivement à un commentaire d'un titulaire qui trouvait ça évidemment une banalité, crasse, etc. Bon, et surtout pas crédible et tout. Alors un, bon, on ne sait pas très bien ce que lui il a fait dans la lutte. Hein, deux, évidemment, comme il ne touche pas directement. on le sent très distant tout ça. Et donc c'est facile de faire des jeux de mots, mais enfin, c'est plus compliqué de construire des combats, comme je pense qu'on le verra ce soir. Donc, je vous propose de procéder en trois temps, puisqu'il y a en gros trois grands types d'intervention. Donc, en commençant par Christophe Granger, et donc l'instruction de l'Université française, qui sera discuté par Manuel Savera. Voilà, donc dans un premier temps, dans un deuxième temps, on passerait à Aurélien Casta, si tu en es d'accord, qui sera discuté par Pascal Bruzon. Et puis dans un troisième temps, je donnerai la parole, alors vous me direz, donc aux représentants du bureau de la NCMSP pour leur enquête sur la précarité, la visibilisation de la précarité, etc. Et puis aux membres du collectif des précaires. Alors je vous appelez travailleurs et travailleuses précaires de l'ESR, ça a changé comme nom, c'est ça. Enfin, vous nous direz. Et puis, je rappelle que vous avez, enfin, on parlera sans doute, une coordination nationale qui vient de passer à Paris et à Saint-Denis.